إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، nous avions évoqué la conversion de Omar ibn al-Khattab radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu, ainsi que de l'oncle du prophète Hamza, Hamza ibn Abdul Muttalib radiallahu anhuma. Ces conversions provoqua un changement notoire dans les rapports de force. Les musulmans pouvaient prier en public et ils étaient moins exposés aux châtiments et aux insultes. Cette situation devint très préoccupante pour les chefs de Quraysh. Premièrement, les croyants avaient trouvé refuge en terre d'Abyssinie où ils étaient en sécurité sous l'égide du Négus, Al-Najashi. Deuxièmement, Omar et Hamza avaient embrassé tous deux l'islam, tous deux soutiens de taille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cela eut pour conséquence que l'islam se répandit parmi les tribus et gagnait en nombre. Les chefs de Quraysh décidèrent donc encore une fois de négocier pour essayer de freiner les conversions à l'islam. En voyant les rangs des musulmans renforcés par Hamza et Omar, radiallahu anhuma, les associates se réunirent pour se consulter. Utba ibn Rabi'a al-Abshami, du clan des Bani Abdishams ibn Abdemanaf, était le chef des Abshami, des Bani Abdishams. Il leur dit, « Ô Quraysh, accepteriez-vous que j'aille parler à Mohammed pour lui faire quelques propositions afin qu'il cesse de nous importuner ?» Tous approuvèrent cette initiative. Alors Utba partit voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était assis seul dans la mosquée. Il lui dit « Mon neveu, on notera au passage le ton qu'a employé Utba. Il a essayé de gagner le cœur du prophète, il a essayé de l'acheter, il a essayé d'être tendre avec lui. Tout ça dans un but de gagner sa confiance. Il lui dit, « Oh mon neveu, ta place est connue de tous. Tu es parmi les meilleures familles. Mais tu as introduit une chose grandiose et grave avec laquelle tu as divisé ton clan, jeté le discrédit sur ton groupe, raillé leur divinité et ridiculisé leurs ancêtres. Écoute-moi, car j'ai des propositions à te présenter. Examine-les. Peut-être que tu accepteras certaines d'entre elles. » Voilà ce que lui a dit Utba. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, « Parle, ô Abu al-Walid, et je t'écouterai. » Il lui dit, « Ô mon neveu, si tu convoitais à travers cette nouvelle religion de l'argent, nous t'en amasserions de quoi te faire le plus riche parmi nous. Si tu voulais davantage d'honneur, nous ferions de toi notre seigneur et notre maître, et rien ne sera décidé sans toi. Ou si tu pensais être roi, nous ferions de toi notre souverain. Et si tu voulais le mariage, tu n'aurais qu'à choisir les femmes qui te plaisent. Nous t'en donnerions 10 en mariage. Et s'il s'agissait d'un djinn qui te hantait et que tu ne pouvais repousser, tous nos biens sont à ta disposition pour permettre ta guérison. Certes, le djinn est susceptible de dominer chacun d'entre nous et on ne peut s'en débarrasser qu'en se faisant soigner. » On voit bien ici que Utba essaie d'acheter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il essaie de le soudoyer afin qu'il laisse sa mission pour ces choses de cette vie d'ici-bas. Donc après avoir achevé sa proposition, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui récita les versets de la sourate 41. Il lui récita la sourate du début à la fin, où Allah dit tabaraka wa ta'ala, Hamim tanzilum min ar-Rahman ar-Rahim, كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. Sourate 41, les versets 1 à 5. Hamim, voici une révélation du tout miséricordieux, du très miséricordieux. Un livre dont les versets sont détaillés et clairement exposés. Un Coran arabe pour des gens qui savent, annonciateur d'une bonne nouvelle et avertisseur. Mais la plupart d'entre eux se détournent. C'est qu'ils n'entendent pas. Et ils diront, nos cœurs sont voilés contre ce à quoi tu nous appelles. Nos oreilles sont sourdes. Entre nous et toi, il y a un voile. Agis donc de ton côté, nous agissons du nôtre. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, poursuivit sa lecture et Utba d'écouter, les mains derrière le dos appuyées sur elle. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, arriva au verset numéro 13 de cette sourate, où Allah dit, jalla wa ala, فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودٍ. S'ils s'en détournent, alors dis-leur, je vous ai averti d'une foudre semblable à celle qui frappa les Ad et les Thamoud. À ces mots, Utba lui mit la main sur la bouche et le pria par Allah et le conjura par les liens de parenté qui les unissaient de ne pas continuer de craindre que cela ne se produise réellement, lui disant, c'en est assez. Vous remarquerez l'impact du Coran dans le cœur des Arabes. Eux qui comprenaient l'éloquence et qui arrivaient à être subjugués par l'éloquence du Coran. Ces paroles étaient lourdes et insoutenables pour eux, car ils en comprenaient pleinement le sens. Il lui a dit assez, assez, de peur qu'un châtiment ne tombe. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam continua. Et en parvenant au verset où il est recommandé de se prosterner, c'est-à-dire à la fin de la sourate, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se prosterna, puis dit, as-tu entendu Abu al-Walid? Celui-ci répondit, j'ai entendu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, à toi de décider. Utba partit voir les siens qui se dirent, lorsqu'ils le virent arriver, nous jurons par Allah qu'Abu al-Walid n'est plus lui-même. Il est revenu avec un visage autre que celui par lequel il est parti. Quand il prit place, ils s'empressèrent de lui demander la nouvelle. Il leur dit, ô gens de Quraysh, j'ai entendu des propos que j'entends pour la première fois, à savoir le Coran. Par Allah, ce n'est ni de la poésie, ni de la magie, ni de la divination. Cela nous rappelle la parole de Walid ibn al-Mughira, lorsque le prophète lui lut le Coran. Il dit exactement les mêmes propos, sauf que Walid ibn al-Mughira était un poète lui-même. Il disait ça, je connais la poésie sous toutes ses formes. Cela n'est pas de la poésie. Alors Utba, Abu al-Walid, leur a dit par Allah, ce n'est ni de la poésie, ni de la magie, ni de la divination. Ô mes frères de Quraysh, obéissez-moi. Laissez cet homme agir à sa guise et évitez-le. Écartez-vous de lui. Par Allah, sa parole aura un avenir retentissant. Si les Arabes prennent le dessus sur lui, vous en êtes quitte, c'est-à-dire vous en serez débarrassé. Et s'il l'emporte lui sur les Arabes, son royaume sera le vôtre et sa puissance sera à votre disposition et pour votre propre bonheur. Les Quraysh, lorsqu'ils ont entendu cette parole d'Abu al-Walid, dirent « Oh Abu al-Walid, Mohammed vous a ensorcelé. Mohammed vous a ensorcelé. » Abu al-Walid de répondre « C'est ce que je pense. Libre à vous de faire ce qu'il vous plaît. » Ce récit a été rapporté par Ibn Ishaq dans son livre « As-Siyar wal-Marazi ». Il a été rendu bon par Cheikhouna al-Albani. On remarque ici la fermeté qui était celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et tels étaient les principes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'acceptait aucun compromis dans la croyance, aucun compromis dans la transmission du message, aucun compromis dans les principes religieux. Il ne s'est pas laissé acheter, il ne s'est pas laissé soudoyer, sallallahu alayhi wa sallam. Concernant la croyance, le prophète ne dressait aucun pont entre lui et la mécréance. Ils ont essayé de l'acheter avec des biens de ce bas monde pour qu'il abandonne sa prédication. Ils lui proposèrent le pouvoir, les biens, les honneurs, les femmes, mais il refusa tout cela. Il lui aurait été possible de prendre le pouvoir, de se renforcer par les hommes et les armes et de se retourner contre cela. Il lui aurait aussi été possible de prendre les biens et de payer des mercenaires pour destituer les chefs associatres de Quraysh et les ennemis de l'islam. Mais son intégrité, sallallahu alayhi wa sallam, l'empêchait d'agir ainsi. Loin du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, d'agir de la sorte et de trahir sa parole ou son engagement. N'a-t-il pas dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Addi l'amanata ila man ittamanak, wa la takhun man khanak » Rends le dépôt à son ayant droit et ne trahis pas celui qui t'a trahi. Un hadith que vous pouvez retrouver dans le Sunan d'Abi Daoud sous le numéro 3535 et rendu authentique par Cheikh Al-Albani. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne trahit pas les gens, musulmans fussent-ils ou bien mécréants ou associatres. Et de ce fait, dans les principes fondamentaux de la religion, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne cédait pas aux tentations, ne faisait pas de compromis et ne trahissait pas non plus les gens. En revanche, sur un plan personnel, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pouvait renoncer à certaines choses dans l'intérêt d'une personne ou l'intérêt commun des musulmans. Il subissait des préjudices et patientait. Le sang coulait de son visage, il l'essuyait, rentrait chez lui et faisait preuve de patience. Il continuait sallallahu alayhi wa sallam malgré cela à appeler ses tortionnaires à l'islam. Il gardait les dépôts de ses ennemis qui lui reconnaissaient son intégrité. Tout cela prouve que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'agissait pas pour sa propre personne. Il n'a jamais essayé de se venger, bien que l'occasion se présentât à lui plusieurs fois. Il pouvait abandonner ses droits pour l'intérêt commun de l'islam et des musulmans. En revanche, sur le plan de la transmission du message et de la croyance, il ne faisait aucune concession et n'acceptait aucun compromis. Après cet événement, les notables de chacune des tribus de Quraysh se réunirent Utbah ibn Rabi'a, Shayba ibn Rabi'a, Abu Sufyan ibn Harb, tout cela ce sont des Bani Abdishams, Al-Nadr ibn Al-Harith ibn Kalada, le frère des Bani Abdiddar, Abu al-Bakhtari ibn Hisham, Al-Aswad ibn al-Muttalib, Al-Asadi, Zam'a ibn al-Aswad, son fils, Al-Walid ibn al-Mughira, le chef des Bani Makhzoum, Abu Jahl ibn Hisham, Al-Makhzoumi, Abdullah ibn Abi Umayyah, des Bani Jumah, Al-As ibn Wa'il, Al-Sahmi, Nubayh wa Munabbih, les deux fils d'Al-Hajjaj, Al-Sahmi, wa Umayyah ibn Khalaf, Al-Jumahi. Tout cela se réunir, et tout cela sont les chefs de la Mecque. Ils se rassemblèrent après le coucher du soleil derrière la Kaaba, et ils se dirent « Envoyez chercher Mohammed pour lui parler et discuter avec lui, afin de se dégager de tout blâme en ce que vous ferez avec lui. » Ils envoyèrent lui dire « Les notables de ton peuple se sont réunis en vue de parler avec toi. Viens donc à eux. » L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vint à eux rapidement, pensant qu'ils avaient formé une opinion concernant ce qu'il leur avait dit. En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam tenait absolument à leur bonheur, à leur guider, à ce qu'ils suivent le droit chemin. Et leur égarement lui faisait de la peine, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il s'assit avec eux et lui dirent, « Ô Mohammed, nous t'avons envoyé chercher afin de parler avec toi. Par Allah, nous ne connaissons pas quelqu'un qui avait introduit dans son peuple quelque chose de pareil à ce que tu viens d'introduire dans ton peuple, à savoir l'islam. Tu as insulté les ancêtres, dénigré la religion, injurier les divinités, traiter nos croyances de stupides, mis la discorde dans notre société, et il ne reste aucun mal que tu n'avais pas apporté entre nous et toi. Si par cette affaire, tu veux obtenir de l'argent, nous amasserons pour toi de notre argent de quoi te rendre le plus riche parmi nous. Si par cette religion tu aspires à l'honneur, nous te ferons notre chef. Si par là tu veux devenir un roi, nous te ferons notre roi. Si celui qui vient à toi est un djinn que tu vois s'emparer de toi ou qui vient te hanter, ce qui est probable, nous dépenserons de notre argent les frais du médecin jusqu'à ce que tu en sois guéri. ou nous serons dégagés de tout reproche au sujet de ce que nous ferons avec toi. C'est comme une menace qu'ils sont en train de lui faire. C'est-à-dire, si tu refuses tout cela, attends-toi à des représailles. Mais en tout cas, nous, nous t'avons prévenu. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, leur répondit. Qu'ai-je à faire de vos propos? Ce que j'ai apporté pour vous, je ne l'ai pas apporté pour obtenir votre argent, ni l'honneur parmi vous, ni la royauté sur vous. Mais Allah m'a envoyé à vous comme un messager. Il a fait descendre sur moi un livre et m'a ordonné d'être pour vous un porteur de bonnes nouvelles et un avertisseur. Je vous ai transmis la mission dont m'a chargé mon Seigneur et je vous ai prodigué de bons conseils. Si vous acceptez de moi ce que je vous ai apporté, ce sera votre chance dans ce monde et dans l'au-delà. Si vous le rejetez, je patienterai pour Allah jusqu'à ce qu'il arbitre et juge entre vous et moi. Alors ils lui dirent, « Ô Mohammed, si tu n'acceptes rien de ce que nous t'avons proposé, tu sais bien qu'aucun peuple n'a une terre aussi étroite, une eau aussi rare. Demande donc à ton Seigneur de ce qu'il t'a chargé, qu'il écarte loin de nous ces montagnes qui nous ont renfermés, qu'il étend notre pays, qu'il y fasse jaillir des rivières comme les rivières de la Syrie et de l'Irak, qu'il ressuscite nos morts et parmi eux Qusay ibn Kilab. » Je vous rappelle que Qusay ibn Kilab est le grand-père de Hashim, qui est lui-même l'arrière-grand-père du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qusay ibn Kilab, nous l'avions évoqué dans le cours précédent. C'est lui qui a rétabli l'honneur de Quraysh en reprenant ce qu'on appelle As-siyada, wal-hijaba, wal-rifada, wal-siqaya. Tous ces travaux au service de la Kaaba. Chose qui était sous l'égide des Bani Khuza'a. Lorsque Qusay ibn Kilab est devenu chef, ou est venu, il a repris cela à son compte et il a rétabli l'honneur de Quraysh par cela. Ils ont dit qu'il ressuscite nos morts et parmi eux Qusay ibn Kilab, car il était un homme véridique, afin de leur demander si ce que tu dis est vrai ou faux. S'ils te croient, et si tu fais ce que nous t'avons demandé, nous croirons en toi. Nous reconnaîtrons ta place auprès d'Allah, et nous reconnaîtrons qu'Allah t'a envoyé comme messager, comme tu le dis. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondit, je n'ai pas été envoyé à vous pour cela. Si vous acceptez, ce sera votre chance en ce bas monde et dans l'au-delà. Mais si vous refusez, je me soumettrai à l'ordre d'Allah. Je patienterai pour Allah jusqu'à ce qu'il juge entre vous et moi. Il leur redit exactement la même parole. Ils dirent, si tu ne fais pas cela en notre faveur, c'est-à-dire tous ces miracles qu'ils ont énoncés, demande à ton Seigneur d'envoyer avec toi un ange qui se portera garant de la véracité de ce que tu dis et qui discutera avec nous à ta place. Demande-lui de te fournir des jardins, des châteaux, des trésors d'or et d'argent qui te dispenseraient de ce que tu convoites d'après ce que nous croyons. Car nous te voyons faire le commerce dans les marchés comme nous, chercher ton gain de pain comme nous, et cela afin que nous sachions ton mérite et ta place auprès de ton Seigneur si tu es un messager comme tu le prétends. L'un d'eux m'a dit, nous adorons les anges et les anges sont les filles d'Allah. Et un autre a dit, nous ne croirons en toi que si tu nous amènes Allah et les anges ensemble. Imaginez-vous l'audace dans cette parole. Nous ne croirons en toi que si tu nous amènes Allah. Subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'ils dirent tout cela, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les quitta et avec lui Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughira ibn Abdullah ibn Umar al-Makhzoum, qui était le fils de la tante paternelle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Atika bint Abd al-Muttalib. Ce dernier lui dit, oh Mohammed, ton peuple t'a proposé ce qu'il t'a proposé, mais tu ne l'as pas accepté d'eux. Ils t'ont demandé des choses en leur faveur en vue de connaître ta place auprès d'Allah, de te croire et de te suivre, mais tu n'as rien fait. Puis ils t'ont demandé de prendre pour toi-même ce qui les engage à reconnaître ta supériorité sur eux et ta place auprès d'Allah, mais tu n'as rien fait. Puis ils t'ont demandé de faire exécuter une part du supplice dont tu les menaces, mais tu n'as rien fait. Par Allah, je ne croirai jamais en toi que si tu montes par un escalier au ciel, que je te voyais monter par degrés pendant que je te regarde jusqu'à ce que tu atteignes le ciel. Puis, tu apporteras de là, en descendant, une attestation écrite accompagné de quatre anges qui témoigneront que tu es comme tu dis. Je jure par Allah que même avec tout cela, je ne croirai pas en toi. Al-Kibr ou Al-Inad, l'orgueil et l'entêtement. Puis Abdullah ibn Abi Umayya quitta l'envoyé d'Allah. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, rentra chez lui triste et affligé du fait qu'il n'avait pas obtenu de son peuple ce à quoi il avait aspiré lorsqu'il l'avait invité et du fait de les avoir éloignés de lui. Allah tabaraka wa ta'ala nous évoque tout cela dans le Coran. Les demandes de miracles de Quraysh. Allah dit tabaraka wa ta'ala: وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. Et ils dirent: nous ne croirons pas en toi jusqu'à ce que tu aies fait jaillir de terre pour nous une source, ou que tu aies un jardin de palmiers et de vignes entre lesquels tu feras jaillir des ruisseaux en abondance, ou que tu fasses tomber sur nous comme tu le prétends du ciel en morceaux, ou que tu fasses venir Allah et les anges en face de nous, ou que tu aies une maison en or, ou que tu sois monté au ciel. Encore, nous ne croirons pas à ta montée au ciel jusqu'à ce que tu fasses descendre sur nous un livre que nous puissions lire. Ils ne demandèrent pas un livre commun pour tout le monde, mais un livre pour chacun, dans lequel il y est écrit de la part d'Allah à destination d'un tel fils d'un tel. Un livre personnalisé. Voilà les demandes et les requêtes des mécréants de Quraysh. قال الله تبارك وتعالى: بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة. Chacun d'entre eux voudrait plutôt qu'on lui apporte les feuilles toutes étalées ou des feuillets toutes étalées. Face à tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son messager de leur répondre que les miracles appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils sont exclusivement entre ses mains. Le messager sallallahu alayhi wa sallam n'a pas la capacité de produire des miracles à la demande. قال الله تبارك وتعالى: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Allah dit tabaraka wa ta'ala: dis-leur, gloire et pureté à mon Seigneur. Ne suis-je qu'un être humain messager? Et dans une autre lecture, hal kunta illa bashara rasula. N'es-tu pas qu'un humain messager? Et rien n'empêcha les gens de croire quand le guide leur est parvenu, si ce n'est qu'il disait: Allah envoie-t-il un être humain messager? Dis, s'il y avait sur terre des anges marchant tranquillement, nous aurions certes fait descendre sur eux du ciel un ange messager. Je vous renvoie à la sourate numéro 17, les versets 90 à 96. Peu après, dans cette même sourate, Allah tabaraka wa ta'ala parle du cas de Moussa vis-à-vis de Pharaon, puisqu'il y a une similitude entre les deux récits. Lorsque Moussa est venu à Pharaon, Pharaon a dit: « Wa inni la'adhunnuka ya Moussa mas'hura. » Moussa a transmis le message et Pharaon n'a trouvé qu'à dire: « Je te vois ensorcelé, ô Moussa. » Jusqu'à ce que Moussa lui répondit que les versets qui descendent, les versets clairs de sens et les signes, les miracles qui viennent d'Allah tabaraka wa ta'ala sont une preuve de la véracité de mon message. « Wa inni la'adhunnuka ya Pharaona mathbura. » Et je te vois, ô Pharaon, parmi être ceux destinés à la perdition. Il y a une similitude dans les deux récits. Et Allah tabaraka wa ta'ala souvent console le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur des événements qu'il a vécu par ce qu'ont vécu les prophètes et les messagers avant lui. Comment ils ont agi, comment ils ont patienté, quelle fut leur heureuse conséquence. Tout cela afin de soulager la tristesse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous avions déjà rappelé que leur demande de miracle n'avait pas pour objectif la recherche de la vérité. Ils cherchaient plutôt à ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam soit incapable de produire de tels miracles. Ils pourraient alors discréditer en toute facilité et en toute aisance le messager devant les gens. Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle dans le Coran que les associates ne croiront pas même s'ils voyaient les miracles devant eux. Car Allah tabaraka wa ta'ala a retourné leur cœur et leur clairvoyance et n'a pas voulu les guider à cause de leur entêtement, à cause de leur raillerie et au fait qu'ils rejettent la vérité. À chaque miracle, ils trouveront à redire. Allah tabaraka wa ta'ala dit à cet effet: Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atkum ayatun la yu'minunna biha. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وفي رواية قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. Sourate 6, verset 109 à 111. Et ils jurent par Allah de toute la force de leur serment que s'il leur venait un miracle, ils y croiraient sans hésiter. Dis, en vérité, les miracles ne dépendent que d'Allah. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que quand cela, c'est-à-dire le signe, arrivera, ils n'y croiront pas? Parce qu'ils n'ont pas cru la première fois, nous détournerons leur cœur et leurs yeux, nous les laisserons marcher aveuglément dans leur rébellion, et si nous faisions descendre les anges vers eux, comme ils l'avaient proposé, si les morts leur parlaient, et si nous rassemblions toutes choses devant eux, ils ne croiraient que si Allah le veut, mais la plupart d'entre eux sont ignorants. Allahu Akbar. Ces gens-là ont le cœur voilé. Et Allah tabaraka wa ta'ala a fait une exception de ceux qui ont une étincelle de sincérité dans leur cœur, en disant, sauf si Allah le veut, tabaraka wa ta'ala. Ils ne croiraient que si Allah le veut. Donc il y a toujours une porte ouverte. Seulement, lorsque l'orgueil s'empare du cœur, il vient le voiler à la vérité. Ce dernier n'est plus capable de distinguer le vrai du faux, et ils se perdent en confusion. Allah dit tabaraka wa ta'ala: وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ. Sourate 6, versets 7 et 8. Même si nous avions fait descendre sur toi, ô Mohammed, un livre en papier qu'ils pouvaient toucher de leurs mains, ceux qui ne croient pas auraient certainement dit « ce n'est que de la magie évidente ». Et ils disent « pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui un ange ?» Si nous avions fait descendre un ange, c'eût été sûrement une affaire réglée. Puis, on ne leur eût point donné de délai. C'est-à-dire que si Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre les anges, ça aurait été pour descendre le châtiment avec eux. La qudiya al-amr thumma la yunzarun. L'affaire aurait été réglée et on ne leur aurait donné aucun délai. Quant aux croyants, lorsqu'ils étaient témoins de ces miracles, leur foi grandissait et leur certitude se confirmait. Ces miracles divers et variés furent constatés par les croyants et autres tout au long du mandat prophétique, ce qui permit aux croyants de renouveler systématiquement leur foi et de rechercher la perfection dans cela. Après avoir échoué dans leur tentative de séduction, les Quraychites essayèrent un autre stratagème. Ils essayèrent de marchander en matière de religion. Il y a eu quatre hommes de Quraysh: Al-Aswad ibn al-Muttalib des Bani Asad. Je vous rappelle que Al-Aswad ibn al-Muttalib des Bani Asad est l'oncle de la grand-mère maternelle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Baghra bint Abd al-Uzza. Et c'est en même temps le cousin de Khadija, Al-Aswad ibn al-Muttalib al-Asadi. Il y avait Al-Walid ibn al-Mughira, le chef des Bani Makhzoum. Il y avait Umayyah ibn Khalaf des Bani Jumah, al-Jumahi, qui est une des factions des Bani Husayn. Et il y avait l'As ibn Wa'il, al-Sahmi, des Bani Husayn aussi. Ces quatre hommes vinrent trouver le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et lui proposèrent la chose suivante. « Nous te proposons une offre pour ton bien. » Laquelle, répondit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, tu adores nos divinités pendant une année, Al-Lat wa Al-Uzza, et nous adorons la tienne pendant une autre année. Si nous sommes dans le droit chemin, tu prendras ta part de bien en adorant nos idoles. Et si c'est toi qui es sur le droit chemin, c'est nous qui profiterons de l'adoration d'Allah. Le prophète rejeta cette proposition et il se détourna d'eux. Puis Allah tabaraka wa ta révéla la sourate suivante. Qul ya ayyuha al-kafirun. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Sourate 109, verset 1 à 6. Dis, ô vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. À vous votre religion, et à moi ma religion. Lakum dinukum waliyadin. Les mécréants voulaient mettre un terme au conflit dans l'espoir d'obtenir ce que Utba avait prédit. Ils firent davantage de concessions et acceptèrent ce que proposait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais ils réclamèrent des modifications dans la révélation. Allah dit tabaraka wa ta'ala, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Sourate 10, verset 15. Et quand leur sont récités nos versets en toute clarté, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre, c'est-à-dire les mécréants, disent « Apporte un Coran autre que celui-ci, ou bien change-le. » Dis « Il ne m'appartient pas de le changer de mon propre chef. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible. » Donc ils ont demandé un Coran autre que celui-là. Pour quelle raison? Car il y avait dans ce Coran ce qui venait mettre en péril leur notoriété, leur statut, leur religion. Ils ont dit, puisque tu es attaché au Coran, puisque les croyants sont attachés au Coran, alors ramène-nous un Coran autre que celui-là, puis nous l'examinerons et nous le validerons. Comme disent certains à notre époque, le Coran doit être réformé, le Coran doit être changé pour s'adapter. En réalité, ils ne font que répéter ce que disait Quraysh face au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Pour quelle raison il dit cela? Car il y a des choses dans le Coran qui les gênent, qui vont contre leurs intérêts personnels. Donc ils espèrent, à défaut d'éliminer ce Coran complètement, de le voir changer ou altérer. Mais Allah, tabaraka wa ta'ala, préserve son livre, comme il le dit, subhanahu wa ta'ala, « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. » C'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui le préservons. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam face à tout cela resta ferme dans sa prédication, sans compromis ni arrangement. Mais ils vont essayer d'autres stratagèmes pour discréditer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aux yeux des gens. Et c'est ce dont nous parlerons prochainement, incha'Allahu tabaraka wa ta'ala. Nas'alullah jalla wa ala أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.